20, 13, observation, surprise et incrédulité. Je viens de voir Hemingway. Non, pas possible. Ce n'est pas possible. Vraiment? C'est vrai? Vous êtes sûr? Sans blague. Tiens, c'est bizarre. Ça m'étonne. Vous m'étonnez. Vous devez vous tromper. Vous avez bu. Vous buvez trop. Vous vous moquez de moi.